Le 10 courant, il y a eu le rassemblement du personnel du ministère de la Sécurité du Peuple en faveur de la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Y ont participé Choi Bu-il, ministre de la Sécurité du Peuple, Kang Pil-hun, directeur politique des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres du ministère et des établissements de la Sécurité du Peuple de la ville de Pyongyang, ainsi que les agents de sécurité et les militaires des forces populaires de l'intérieur et le personnel du ministère. Il y a eu la lecture de la déclaration du gouvernement suivie des interventions. Les orateurs ont dit entre autres « L'adoption de la récente résolution de sanctions par l'initiative des États-Unis et par leurs esclaves de la machine à voter sans principe n'est qu'une tentative désespérée des ennemis effrayés devant le statut stratégique de notre République, puissance nucléaire jutsu, puissance militaire d'ordre mondial. » Si les États-Unis s'attachent toujours aux aventures militaires extrêmes et à la sanction, en proie à leur chimère anachronique, ils ne connaîtront que l'échec déshonorant et la ruine finale. Une fois que les États-Unis ont jeté un défi intégral dans tous les domaines politiques, économiques et militaires, les militaires et civils coréens répondront à la sanction par la riposte et à la confrontation par la guerre résolue pour la justice. Nous exterminerons les provocateurs qui se démènent frénétiquement pour étouffer la patrie socialiste afin d'accomplir parfaitement la mission et le devoir des forces populaires de l'intérieur de Corée du commandant suprême, troupe de choc sans merci.